Toute une foule crie bravo. Et que le triomphe s'installe. Je serre les poings dans la salle. J'ai mal, oui, j'ai mal. Quand une foule crie bravo, quand elle se lève et se déchaîne, je me revois sur cette scène. J'ai mal, oui, j'ai mal. Les néons de la ville illuminent le soir. D'autres noms, d'autres espoirs. Souvenirs inutiles qui brûlent mon regard et me laissent dans le noir. Quand une foule crie bravo, quand elle scande comme folle le nom de sa nouvelle idole, j'ai mal, oh oui, j'ai mal. Quand une foule crie bravo devant cette clameur immense, et je pleure en silence. J'ai mal, oui, j'ai mal. J'en rêve de me taire. Aucun amour sur terre n'y peut rien. Une foule crie bravo. Quand une foule crie bravo.